بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، aujourd'hui on prend les dernières masail de ce livre et par la suite viendra ce que le shir a cité comme nom d'Allah Azza wa Jal selon les preuves authentiques. Naam. Yaqulu. Donc on est toujours dans la partie maintenant du comportement. Et on rappelle une fois de plus que ce livre était dédié aux enfants. Donc c'est des comportements dans lesquels les enfants ont souvent des négligences et causent souvent du tort aux autres. Après, les enfants, c'est comme ça qu'ils sont. Mais il faut tenter de les redresser le mieux possible, de les corriger et de les éduquer comme il se doit. فيقول في الثامنة وثمانين عليك بصدق فإنه يهدي إلى الجنة. Il dit accroche-toi à la véracité car elle mène au paradis. Le fait d'être véridique dans les paroles. والدليل من الأدلة بل parce qu'il y a plein d'adلة qui amène à cela. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي للجنة. كان الحديث لم يكن مطيلا. وإن الرجل لا يزل يصدق حتى يقال عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي للفجور وإن الفجور يهدي للنار. وإن الرجل لا يزال يكذب حتى يقال عند الله كذابا. متفق عليه. Que la véracité amène à la bienfaisance et la bienfaisance amène au Jannah, au paradis. Et que l'homme ne cesse d'être véridique à tel point qu'il est inscrit auprès d'Allah comme étant un grand véridique, Siddiq, comme Ayyukal. Et que le mensonge mène à la débauche et la débauche mène à l'enfer. Et que l'homme ne cesse de mentir au point d'être inscrit auprès d'Allah comme étant un grand menteur. Kazzab. Naam. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et soyez que les véridiques. Donc la véracité, c'est parmi les caractéristiques du musulman. Et cela, il faut l'apprendre à l'enfant dès son jeune âge, qu'il ne faut pas mentir, même pas pour plaisanter. Toujours être des paroles véridiques. Même quand on joue avec lui, on est véridique. Car lorsque les parents ont tendance à mentir, l'enfant finira par reproduire cela. Donc l'enfant, dès le plus jeune âge, lui apprendre la véracité. Et lui montrer la gravité du mensonge. Car cela est trop négligé. Et les enfants sont souvent amenés à mentir. Même à jurer par Allah en mentant. Trop souvent. Donc ça, il faut y remédier. يقول في المسألة التاسعة وثمانين 89e مسألة عليك ببر الوالدين. Accroche-toi à la piété envers les croyants, envers les parents, enfin. ولا ينسى أن حق الوالدين مكرر بحق الله عز وجل في عدة آيات. Ne jamais omettre que le droit des parents a souvent été lié au droit d'Allah Azzawajal dans le Coran, dans plusieurs versets. Car là, il cite son droit du Tawhid et ensuite, il cite le droit des parents, qui est le plus grand droit après le sien, subhanahu wa ta'ala, et celui de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Celui des parents. Yaqul, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidaini ihsana. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers les parents. Donc tant que les parents appellent au convenable ou au minimum une chose qui n'est pas en transgression avec le char, il faut leur obéir. Et plus la mère que le père. Encore plus la mère que le père. Et quelle que soit leur religion, même si c'était des koufars, il faut leur rendre leurs droits. Dans le ma'ruf. Bil ma'ruf. qu'ils soient musulmans ou kuffar, lorsqu'ils ordonnent une chose qui est haram, il ne faut pas leur obéir. Et ne pas leur obéir ne veut pas non plus dire qu'il faut se rebeller et se mettre à crier et je ne sais quoi comme mauvais comportement. Restez calme, mais expliquez que cette chose-là, on ne peut pas la faire pour telle et telle raison. Naam. ثم يقول في المسألة 90 احذر التشبه بالكافرين. Prends garde à la ressemblance aux mécréants. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد عن ابن عمر. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. Donc le muslim se distingue des kuffars dans les choses qui leur sont propres. Dans leur même, dans leur parler, dans leurs coutumes, dans leurs mœurs. Et quand on dit coutumes, c'est des choses qui sont vraiment propres aux kuffars et qui s'opposent au texte, bien sûr, parce qu'il y a des fois il y a des coutumes qui sont générales, qui sont communes. Et dans l'accoutrement, quand le muslim se distingue. Car là, il y a des gens, souvent, même depuis que je suis ici, plusieurs me disent que, par exemple, ils voient que porter le qamis ou la sunna dans les pays comme la France, ça ne se fait pas. Car soit c'est libes shohra, vêtement de l'ostentation ou quoi, ou soit alors que cela s'oppose aux coutumes du pays. On dit les coutumes du pays auxquelles il faut s'adapter sont celles des pays d'islam, pas celles de kuffar. Le hadith dit bien qu'il ne faut pas leur ressembler. Et les gens disent, oui, parce qu'à l'époque, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il vivait au milieu de Quraysh, que Quraysh portait le kamis également, et ainsi de suite. On dit, naam, c'est vrai, mais c'était le milieu dans lequel il avait grandi, et le kamis, c'est un vêtement qui était porté depuis avant même Quraysh. D'accord? Même Allah, dans le Coran, il parle de Youssouf, dans le Youssouf, il parle qu'il portait le kamis, depuis l'enfance, que Youssouf a toujours porté le kamis. Donc ce vêtement, le kamis, est un vêtement qui a été souvent reconnu comme étant un vêtement de piété. Et c'est un vêtement de pudeur. Même si Quraysh l'ont porté. Et par la suite, nous-mêmes, on le porte en le portant au-dessus des chevilles. C'est aussi une marque. Par exemple, les gens ils vont dire, ouais, on porte la barbe, et on dit que les Nasara et les Yahoud également portent la barbe. Seulement nous, on se distingue comment? En se taillant les moustaches. Donc le kamis, même si d'autres communautés venaient le porter, qu'ils ne soient pas de l'islam, non, ça se distingue de la façon dont on doit le porter. Et par la suite, ce vêtement est devenu un vêtement reconnu comme étant vêtement de l'islam, de toute façon. Donc, être dans les pays comme la France ou autre, porter le kamis, c'est porter la sunna. Et ce qui est demandé, ce n'est pas obligatoire de porter le kamis, d'accord, mais celui qui le porte, en ayant pour cela l'intention de ressembler au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il sera récompensé pour sa niya. Taïb. Par exemple, également, parmi les vêtements qu'il portait, il y avait le izar. Le izar, ce qu'on appelle le pagne. D'accord? Donc ça, c'est un vêtement, c'est sunna de le porter. Et pourtant, vous allez dans d'autres pays, comme je sais pas moi, en Inde, les mouchikoun, là-bas, ils portent le izar. Est-ce qu'on va dire qu'on va le porter à cause d'eux? Non. Et même les frères en Inde, qui portent le izar, ils le portent de façon peut-être différente des mouchikoun. Quoi qu'il en soit, c'est un vêtement que le Nabi Sarsam, il a porté. Et c'est un vêtement qui fait partie des vêtements attribué aux gens de l'islam. Non. Donc cette ambiguïté, celle-ci, est à dissiper que même dans ces pays-là, le muslim se distingue par son habillement, d'accord, et ne ressemble pas au kuffar dans ce qui leur est propre. Après, il y a des choses qui sont communes. Quand il y a des vêtements qui sont communs, que tout le monde porte, allez comme ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et les enfants, depuis petits, ils habituent justement aux revêtements de l'islam. ثم يقول في المسألة 91 عليك بكثرة ذكر الله عز وجل عليك بكثرة ذكر الله عز وجل وعلى ما ثبتت به الأدلة فإن ذلك من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. Donc multiplie le rappel d'Allah en suivant ce qui est établi par les preuves, car ceci fait partie des causes de réussite en ce bas monde et dans l'au-delà. Qala ta'ala, waskurullah kathiran na'allakum tuflihun, et mentionnez beaucoup Allah afin de réussir. Wajah hadith à Nabi Hurayra, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah al-azim. Il a dit qu'il y a deux paroles qui sont légères sur la langue et très lourdes dans la balance, aimées auprès du Rahman. Il s'agit de dire subhanallah wa bihamdi, qui serait de dire qu'elle soit purifiée et par sa louange. Wa subhanallah al-azim, gloire à Allah l'immense. Qu'elle soit purifiée, pureté à lui, l'immense. Et il y en a plein des askars comme ça. Et certains sont venus à des temps définis, en des circonstances particulières, et d'autres sont venus que l'on peut faire comme on veut. Et beaucoup d'adilés sont venus pour cela. Comme le Ta'ala, Allah bizikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce pas, par le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah, que les cœurs s'apaisent. Donc évoquer Allah Azzawajal, cela amène la porte de la récompense. À se rappeler d'Allah Azzawajal, avoir le cœur qui est lié à lui, ça évite de dire aussi des fois des bêtises comme cela peut souvent nous arriver. Cela fait monter la foi. Tayyib. Et cela amène à un islah du qalb, une réforme du cœur. Et un apaisement, à la quiétude. Des choses que des gens vont chercher dans je ne sais combien de domaines, qui ne leur apportent rien du tout. Et en réalité, le zikr d'Allah Azzawajal est parmi de ce qui est le plus efficace, si ce n'est ce qui est le plus efficace. Et le zikr d'Allah Azzawajal, ça peut être âme, ça peut être khas. Toute ibadah, c'est un zikr. La salat, c'est un zikr. Le siyam, c'est un zikr. Le hajj, c'est un zikr. Toute ibadah dans le zikr. Et après, tu as les askar qui sont l'afziyah, c'est qu'on prononce. Mais toute chose qu'on fait en relation avec la religion, c'est un zikr, en réalité. C'est un zikr. ثم يقول في المسألة الثانية وتسعين كفارة المجلس l'expiation de l'assise. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال إذا تكلم بخير كان تابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه. Il a dit Nabi Aïcha que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'asseyait lors d'une assise, donc il faisait la salat, prononçait des paroles. Donc Aïcha l'interrogeait sur ces paroles. Et il répondit: si la personne a parlé en bien, ce sera un cachet sur elle jusqu'au jour de la résurrection. Et s'il a parlé en mal, elles seront une expiation, c'est-à-dire ce zikr que le Nabi sallam disait. Et donc quel est-il? C'était Subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk, qui veut dire pureté à Allah ou à toi, il n'y a de Dieu digne d'être adoré que toi, je te demande pardon et je me repens à toi. Ou plutôt, ouais, je demande pardon à Allah. Et je me reprends à lui. Et on peut dire les deux. Astaghfiruka wa atubu ilayk ou astaghfirullah wa atubu ilayk. Dans d'autres hadiths, il y a venu des différentes versions. Donc souvent, lorsqu'il y a une assise de rappel ou autre qui a été faite, il est bon de clôturer cette assise par ce zikr. Naam. Taïb, c'est là que je vais dire. Et puis dans le prochain durus, on prendra ce que l'auteur a rassemblé comme nom d'Allah Azzawajal. فإلى هنا وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك